إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, on va rentrer dans un sujet très important concernant les noms et les attributs. Et donc, on va prendre comme référence l'Aqid al-Wasitiyya d'Ibn Taymiyya, rahimahullah. L'Aqid al-Wasitiyya, il a été fait par Ibn Taymiyya, Abu al-Abbas, Sheikh al-Islam, Ahmed bin Abd al-Halim, bin Abd al-Salam, Ibn Taymiyya al-Harrani, rahimahullah. Celui qui est mort, sanat 728. Ibn Taymiyya, il est mort en 728 de l'Hijri. Et bien entendu, vous connaissez le Cheikh Islam Ibn Taymiyya et l'empreinte qu'il a donné dans l'histoire et l'école salafi qu'il a faite, qu'il a prolongé, où il a fait sortir beaucoup de ulama, à savoir Al-Hafid al-Zahabi, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, Al-Hafid al-Muzzi, Ibn Rajab al-Hanbali, et ainsi de suite. Et donc, c'est une lettre finalement qu'il a envoyée à un juge. Il s'appelle un juge dans une région qui s'appelle Wasat. C'est-à-dire lorsque les Tatars envahirent l'Irak et en détruisent les jalons et les marques de la civilisation et de la vie, en fermant tous les instituts et établissements scolaires et en soumettant les hommes de foi et les prédicateurs à toutes sortes de châtiments et de dispersions, le juge de Wasat se plaignit auprès du Cheikh Islam Ibn Taymiyya, éminent savant de son époque, de l'ignorance et de l'injustice qui régnait parmi les gens, et il lui demande en 699 de l'Hijr de rédiger un article à leur intention afin de les inciter à adorer Allah et à s'accrocher fermement à la guidée de leur prophète de manière sincère et honnête. Donc c'était pour l'occasion qu'il a envoyé cette lettre. Donc moi c'était, parlons des noms et des attributs d'Allah, vu que beaucoup de sectes ils ont divergé là-dessus. Et il a commencé son chapitre par ici. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah. Louange à Allah qui a envoyé son message avec la guidée et la religion de vérité afin qu'elle rayonne sur toute autre religion, et Allah suffit comme témoin. Je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah unique et sans associé, en affirmant son existence et son unicité. Je témoigne que Mohammed est son esclave et son messager, prière et bénédiction d'Allah sur lui et sur sa famille. Ce qui suit constitue la foi de la secte sauvegardée, Aqidat al-Farq al-Najiyah. C'est le groupe sauvegardé, le groupe sauvé, le groupe qui est dans la bonne voie. C'est la secte sauvegardée et victorieuse jusqu'au jour de la résurrection. Il a commencé par ça, par Alhamd, comme tous les ulama, suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence toujours par la louange à Allah, par Alhamdulillah, c'est-à-dire sana'u ala Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le groupe sauvegardé, parce que le prophète sallam, il a parlé de ce groupe, il a dit: la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta taqum as-sa'a aw kama qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il restera toujours un groupe qui est dans la bonne guidée et qui est le groupe sauvé et qui est dans la bonne voie. Là, je vais me baser surtout, je vais pas essayer d'expliquer parce que pas à l'auteur d'expliquer la Aqidah al-Wasatiyya. Et je prends comme référence de l'explication de la Aqidah al-Wasatiyya par l'Allama al-Shaykh al-Uthaymeen, qui fait partie de Salaf Saleh, une continuité de Salaf Saleh. Je vais me baser dans beaucoup de propos sur ce livre, qui est l'explication, et que l'un de ses élèves il a écrit. Donc ça c'est, il va parler de Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Ce qui constitue la foi de la secte sauvegardée et victorieuse jusqu'au jour de la résurrection, la secte des partisans de la Sunna et de l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette foi, voilà, la foi l'imam, consiste en la croyance en Allah, en ses anges, ses libres saints, ses apôtres, ou bien ses prophètes ou ses envoyés, en la résurrection après la mort et la croyance en la prédestination en bien ou en mal. D'accord? Ça, c'est la croyance, c'est les piliers de la foi. Iman billahi wa malaikatihi. Wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa al-ba'thi ba'da al-maut. Wa al-iman bil-qadri khairihi wa sharrihi. Et donc ce dogme, il a été, c'est dans le hadith de Jibril alayhi salam, le hadith qui est très connu quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a demandé qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'imam, qu'est-ce que l'ihsan, alama sa'a, le long hadith rapporté par Omar radiallahu anhu. Et donc la croyance en Allah. La croyance en Allah, elle regroupe quatre points fondamentaux. La première chose, c'est la croyance en son existence, al-iman bi wujudihi subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, la croyance en sa seigneurie, iman bi rububiyyati, ay al-intirad bi rububiyya, c'est-à-dire c'est lui le roi, c'est lui le créateur, c'est lui le gérant. Al-iman bi intiradi bi al-uluhiyya, donc la croyance dans l'uluhiyya, c'est-à-dire dans l'adoration, c'est-à-dire c'est lui l'unique qui mérite qu'on l'adore. Et le quatrième point, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Et donc la foi, il ne peut se réaliser que si elle renferme ces quatre bases fondamentales. Donc celui qui ne croit pas en l'existence d'Allah, c'est un athée. L'athéisme, le courant de l'athéisme et tout, maintenant c'est plus la mode, hein, l'athéisme. C'est que celui qui adhère, finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Celui qui ne croit pas en l'existence d'Allah, il n'est pas croyant. Et celui qui croit en son existence, mais ne croit pas en son unicité dans la seigneurie. Il croit qu'il est unique, qu'il est le créateur, il croit qu'il existe, mais il ne croit pas qu'il est le seigneur. C'est-à-dire qu'il ne dirige pas l'univers. Il ne dirige pas sur l'univers. D'accord. Ou bien il touche à l'une des qualités de sa seigneurie. Il croit qu'il y a quelqu'un d'autre qui gère l'univers. Lui, il a créé, puis l'autre, il le gère. Ou bien il y a quelqu'un qui l'a aidé. Ou bien quelqu'un qui connaît l'invisible. Ou bien quelqu'un, c'est comme ça. C'est-à-dire, il a associé avec lui, donc, dans le Rububiyya, dans la seigneurie. Celui-là, il n'est pas croyant, il n'est pas mu'min, laïsa bi mu'min. Mais celui qui croit que quelqu'un gère l'univers avec Allah, ou crée, comme le Majus qui croit en un dieu de lumière et dieu de l'obscurité, ceux-là ne sont pas des croyants. De même que ceux qui croient qu'il y a des imams qui gèrent l'univers avec Allah, ou qui connaissent Souhaïd, comme on a dit dans le cours qui est précédent, que les chéris vont croire que leurs imams ils connaissent l'invisible, comme c'est rapporté dans leur livre. Inna na'lamu al-maktouma wal-makhzouna wal-maknouna wal-maktouma wal-makhzouna alladhi lam yattali alayhi malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Ils disent, nous les imams, on connaît le maknoun, c'est-à-dire celui, ce qui est bon à table gardée, on connaît ce qui est voilé, ce qui est caché, que ne peut atteindre ni ange rapproché, ni prophète proche. Et ça, c'est dans leur livre, ils se vendent de ce livre, Al-Kalimi, Al-Kalimi. Al-Kalimi, Al-Kalimi. C'est même l'un des grands ayatollahs, il dit ça. Ouais. Il dit pareil. Il est statué dans, de toute façon dans son livre, ce qu'il a, il a écrit. Il a dit, il a dit, maqam mahmoud wa darajat aliya. La yasaluha malak muqarrab wa la nabi mursal. C'est-à-dire les imams, nous les imams, même Jibril, il ne peut pas nous atteindre. C'est-à-dire, à nous, à notre Seigneurie, obéit tous les atomes de l'univers. Ça, ils le disent. Et pourtant, il y a des gens qui l'obéissent. Ils disent, oui, il a raison de dire ça. Là, il est le Seigneur. Pourquoi? C'est normal quand les cœurs sont obscurcis. Il ne faut pas se tourner quand on dit sur Pharaon, il dit, Ana Rabbukum al-A'la, il dit, je suis votre Seigneur le plus haut. Ben, les fils d'Israël, oui, il a raison. Il a raison de le dire. C'est-à-dire, il était même mis en doute. C'est oui, c'est notre Seigneur. Il croit vraiment qu'il est notre Seigneur. À cause des ambiguïtés, à cause des passions qui obscurcissent le cœur. Hein? Leur cœur était assombri. Et quand le cœur est assombri, quand on a, parce qu'on a évoqué un hadith là-dessus aussi, que le cœur est exposé aux tentations et tout, puis après, quand il est assombri, il ne peut plus faire la différence entre l'illicité et l'association. Il ne peut plus. Entre le ma'ruf et le munkar, entre shirk et tawhid, il leur a dit, je suis votre Seigneur, bon, ils l'ont accepté. Et même à notre époque, il y a qui leur a dit, je suis votre Seigneur, ils l'ont accepté. D'accord? Quand les cœurs noircissent, ils sont mis en doute. Même quand Moussa, alayhi salam, il est venu avec l'unicité, avec les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec les signes, vous voyez les signes, ils doutaient. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ. Ils doutaient. Ah, peut-être que les sorciers, c'est eux qui vont gagner. Peut-être, c'est pas moi. Quand les peuples s'obscurcir, là, il n'y a pas de... La personne ne fait plus la différence entre le tawhid et le shirk. Et celui, bien entendu, qui croit en sa seigneurie, qui croit qu'il est le créateur, le gérant et tout, et qui ne croit pas qu'il est digne, qu'on l'adore ou on l'invoque, il n'est pas bon. Il n'est pas croyant. Et le même celui qui croit en Allah, il croit qu'il est unique, il croit qu'il est unique dans sa seigneurie, il croit qu'il est unique dans sa ulouhiyya, c'est-à-dire dans l'adoration qu'il mérite, lui seul l'adoration, mais il ne croit pas en ses noms, ni en ses attributs, il n'est pas croyant. Ça c'est la parole du chef, là. Et même, bien entendu, c'est-à-dire, il peut, c'est-à-dire, croire en certains attributs et nier d'autres attributs, ça peut lui diminuer, c'est-à-dire, ça peut lui prendre une partie de sa foi, mais ça ne peut pas lui enlever carrément la foi entière. Comme certains sectes égarés, ils nient certains attributs, mais ils sont musulmans, à cause d'une ambiguïté, à cause d'un. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, je continue ce qu'il a dit. Et de la croyance en Allah relève la croyance en les attributs ou dont il s'est qualifié dans son livre saint et dont son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait qualifié sans altération, ni omission, sans déformation, ni comparaison. C'est-à-dire, la croyance en Allah relève en la croyance en ses attributs, dont il s'est qualifié dans son livre. D'accord? Et les attributs dont son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait qualifié. Donc c'est pour Allah, bima wasata bihi nafsa, ou bima wasatahu bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est les deux sources. Parce que Allah, il est toi. C'est de l'invisible, donc on ne peut pas avoir une information à part une information venant de lui, une information venant de lui. C'est-à-dire, Allah nous a informé de ses attributs. Il a dit, moi je suis comme ça, je suis comme ça, j'ai des attributs, j'ai des noms, et il est normal que cette information soit préservée dans le Coran. Parce que pour nous informer de ses attributs et ses noms, il ne faut pas qu'il soit altéré, il ne faut pas qu'il soit falsifié ou touché. Donc la seule source pour connaître les noms et les attributs d'Allah, c'est le Coran et la Sunna. Parce que c'est une question qui se rapporte au dogme, c'est une question qui se rapporte à l'invisible. Donc on ne peut pas connaître Allah, on peut pas, si on connaît pas, si l'information ne vient pas, on va se mettre à philosopher, on va se mettre à mettre des hypothèses, peut-être qu'il est comme ça, peut-être qu'il est comme ça, peut-être qu'il est comme ça. Alors Allah, lui, il se connaît plus que quiconque. Il sait qu'il est, et il sait plus que quiconque qu'il est, et il sait plus que quiconque ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, ou il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, sauf si tu as l'information du Coran ou de la Sunna authentique. Donc, Allah, il se connaît mieux que quiconque, et le prophète sallam connaît Allah subhanahu wa ta'ala mieux que quiconque. Mais là, il a touché un point très important, et il a dit, sans altération, ni omission, sans déformation, ni comparaison. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه بما وصف به نفسه c'est-à-dire lui il connaît mieux que quiconque qui il est. Et donc nous si on commence à chercher à mettre des hypothèses, c'est-à-dire qu'on a dit des choses qu'on ne connaît pas. Alors il a interdit qu'on de dire des choses sur Allah et des choses qu'on ne connaît pas. على قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Monseigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, sans apparence, que secrètes, de même que le péché, l'agression, sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. On ne doit pas dire sur Allah des choses qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il est substance, est-ce qu'il est, il a bien la substance, est-ce qu'il est jawhar, est-ce qu'il est arad, est-ce qu'il est comme ça, il n'est pas comme ça, c'est dire Allah sur Allah ce qu'on ne connaît pas. Et dire sur Allah ce qu'on ne connaît pas, ça touche à l'association Hachem. Et pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a liés dans un même verset. L'agression sans droit est d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. La suite c'est quoi? Pareil. L'association et de dire sur Allah ce qu'on ne connaît pas, ça touche. Ça touche directement. Et il y a beaucoup d'autres versets, par exemple, voilà, taqouba les salakadi'im, inna sam'a wal bakara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Dans le sourate Isra. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire des choses sur Allah qu'on ne connaît pas. Et le poursuivant ce dont il n'a aucune connaissance, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Alors c'est très important, il ne faut pas dire des choses sur un mal qu'on ne connaît pas, par de simples hypothèses ou par une philosophie qu'on a héritée des Grecs ou quoi que ce soit. Il ne faut pas extrapoler ce genre de choses sur Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui se connaît mieux que quiconque. Donc on attribue à Allah ce qu'il s'est attribué lui-même et à partir du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, parce qu'il est le plus connaisseur de son créateur. Donc, et les attributs finalement d'Allah, ils concernent quoi? Ils concernent les attributs de l'essence, avec le seul. Ils concernent les attributs de l'essence et les attributs de l'information aussi. Ça, on va en parler après. Et les attributs de l'acte. Donc, la raison, le cerveau, ne peut pas percer le mystère, ne peut pas l'invisible. Le cerveau ne peut pas percer l'invisible. ne peut pas, n'est pas à la hauteur de connaître les choses sur Allah, sauf ce qu'Allah nous a donné. Déjà, l'être humain ne peut pas connaître son âme. Et en lui, il n'est pas au courant de cette âme. Il ne sait pas, il ne peut pas la mettre en équation, il ne peut pas la définir, la concrétiser, la mettre au laboratoire. Déjà, il ne se connaît pas lui-même. Alors, comment il va connaître son propre créateur? Il ne se connaît pas. Pourquoi il commence à dire ça? Il n'est pas un chat, il est ça, il est une substance, ou peut-être qu'il n'est pas une substance, peut-être qu'il est ça, il est sans endroit, il est comme ça, il est comme ça. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Donc, le point important, la règle, c'est مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. C'est-à-dire, on doit attribuer à Allah ce qui s'est attribué sans tahrif, sans altération, sans falsification, sans ta'til, c'est-à-dire sans omission, sans omission, sans déformation, ni comparaison. D'accord? Et donc, je vais détailler ce que ça veut dire, min ghayri tahrif. Tahrif, ça veut dire quoi? Ça veut dire altération ou bien falsification. C'est-à-dire, Allah, il nous a informé de ses attributs, on ne doit pas falsifier ses attributs. Et la falsification, Allah nous a informé de ses noms, de ses attributs dans le Coran. Donc ça, il existe textuellement. Et la falsification, elle est de deux sortes. Soit la falsification du mot, du texte, tahrif, comme ça. Soit la falsification de la signification. La falsification du texte, c'est comme ce qu'ont fait les juifs et les chrétiens. Les juifs, ils ont falsifié la Torah. Les chrétiens, l'évangile, mais les juifs, ils ont falsifié aussi l'évangile. Ils ont falsifié le livre d'Allah. Ah, ils harifont le calibre de la Mawadah. Tahrif. C'est une falsification textuelle du texte. Mais le Coran, Allah, il a préservé. Donc, il n'y a pas un moyen pour le falsifier. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont falsifié le sens. On peut falsifier le sens. Le sens, on peut y toucher. Le texte, on ne peut pas. Il est devant nous. Si on falsifie le sens, si on change un mot, c'est au moins on dit, à la place de Alhamdulillah, on dit Alhamdulillah, rien qu'une voyelle, un homme de 6 ans, il va dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de changer? Tu changes la parole d'Allah? Personne. Le défi, chaque personne qui essaie de falsifier un mot, une lettre, on lui ramène un monde de 9 ans. Il va lui dire, hey, pourquoi falsifier? Donc, puisqu'ils ne peuvent pas accéder à ça, ils ont touché la signification. Ils ont cassé la signification. Bien entendu, quand ils ne sont pas parvenus à falsifier le Coran, ils ont touché à quoi? À la Sunna. Mais pour toucher à la Sunna, elle est là, elle est écrite. On touche à qui? On touche aux compagnons qui rapportent la Sunna. Et quand on fait les douter les gens, les compagnons, on casse la Sunna. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est juste pour casser. Ils ont cassé les Sahaba. Hein? À Aïcha, ils l'ont touché. Ils l'ont touché à Aïcha, ils l'ont dit des choses comme ce qu'on dit, ce qu'ils ont dit sur Maryam ibn Salamra. Ils l'ont accusé de prostitution. Ils ont touché à Abu Huraira parce qu'il a ramené la majorité des hadiths. Et donc, comment tu vas discuter avec quelqu'un qui frappe les Sahaba al-Sahra? Hein, tu vas lui donner une preuve à Abu Huraira radiallahu anhu, stop. Stop, à Talha radiallahu anhu, stop. On doute de ces gens-là, ils ont caché le khilafat de Ali pour ne pas les croire. Ça, c'est une sorte de... Comment on peut faire douter les gens sur la sunna? D'autres, bien sûr, ils ont partagé la sunna en mutawatir et en ahad, la sunna rapportée par une chaîne de transmission, on ne croit pas en ça quand ça touche le dogme, et quand c'est plusieurs chaînes, on peut y croire. C'est-à-dire, ils ont fait un partage. Donc, j'ai dit... sans falsification. J'ai dit, quand on ne peut pas toucher à la. Quand ils n'ont pas pu toucher au mot, au texte, ils ont touché à la signification. Et il y a beaucoup d'exemples là-dessus. D'accord? Chaque texte, il a une règle, il a une base, il a un dogme, et puis il essaie de faire que le texte se soumet à son dogme à elle. D'accord? Par exemple, si tu demandes à un chef, quelle est la preuve dans le Coran, qu'il y a un imam, que l'imam va venir et qu'il est caché et tout. Il faut qu'il te sorte un type, un texte. Hein? Il va te sortir dans ce Surat Yusuf. لَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِ. Dans le Surat Yusuf. elle va dire par exemple, quand ça sera un texte, le mot il est là, mais la signification elle est autre chose. D'accord ? Je vais sortir le. Dans le verset 80. Puis lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener, là c'est concernant Yusuf alayhi salam, leur aîné dit, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué autrefois à propos de Yusuf? Ça c'est ce qu'il y a avant. Mais lui, qu'est-ce qu'il va prendre pour preuve? Je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur. Et il est le meilleur du juge. Il va dire que le Mahdi, il a dit ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas quitter, il ne va pas sortir du trou là, il ne va pas sortir de la caverne, que si son père, l'imam son père lui permet, que si Allah juge en sa faveur, et là quand il va sortir, et il y en a qui vont dire qu'il va ressusciter Omar et Ali, il va les tuer, et puis parti sont les plus justes de cette terre. Voilà. Donc ça c'est. C'est les ambiguïtés qu'il met. Voilà le texte, il va dire, voilà, je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette, ou qu'elle m'ajuste en ma faveur, et les meilleurs des juges. C'est une explication. Oui, il a dit ça, ça s'applique sur une avis. Il tord le coup du texte pour qu'il confirme sa doctrine à lui, parce que lui, il attend le deuxième imam, ou je ne sais pas qui. Alors que s'il y a un ayat, il parle de qui? Ah, voilà. L'aîné, c'est l'aîné qui a dit ça, d'accord? Quand ils ont, les frères de Youssef, François et Youssef, les versets parlent de Youssef, alayhi salam. Lui, il prend ce texte-là, il le tord pour qu'il confirme ce don. Et donc, tous les sectes égarés, ils font ça. Par exemple, ils parlent de Tawassul. Ceux, par exemple, Ahbash, tout ce qu'ils ont suivi, ils disent qu'il faut adorer les tombes et tout. Et ça, ça fait partie du Tawassul, le Tawassul légiféré. À quelle est la preuve? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Vous les croyants, craignez Allah et cherchez le moyen de vous rapprocher de lui. Et donc le wasila là, l'une des wasila c'est de s'essouiller contre la tombe et d'invoquer la tombe. Ah ouais, la tawassul, ça existe. D'accord? Ça existe dans le corps. Donc lui il prend la. Alors que tawassul là, le wasila ça veut dire le fait de se rapprocher d'Allah par les bonnes œuvres. Comme ils l'ont expliqué, beaucoup de compagnons. Voilà, quand on dévie de la voix des compagnons, on tombe dans cet égarement. Hein? On commence à expliquer le Coran par notre cerveau. On commence à tordre le Coran suivant notre dogme à nous. Ce n'est pas nous qui se soumettons au Coran et à la Sunna et on le comprend comme l'a compris le Sahaba et tout. Donc, Ibn Taymiyyah, il a dit, mais il veut dire finalement, ce n'est pas une falsification du texte, mais c'est une falsification du sens. Falsification qui touche au sens. Et donc, le réel et tahrif, ça c'est le premier point. Deuxième chose, ni omission. Le réel et tahrif, voilà parfait. Sans omission. On ne doit pas omettre les attributs d'Allah. C'est-à-dire, on ne doit pas nier certains attributs. C'est-à-dire, Allah il a deux mains, on ne va pas dire qu'il s'agit de la puissance. Parce qu'on l'explique par la puissance, on va nier les mains. D'accord? Donc premièrement, sans altération, c'est-à-dire sans falsification. Falsification, c'est aussi interprété par exemple, interprété comme j'ai dit, les mains par la puissance. C'est une falsification. Mais qu'est-ce qu'on a fait en même temps? On a nié les mains. C'est-à-dire on a exempté, on a dépouillé Allah de ses mains. D'accord? Pour nier, ils ont interprété les mains par la puissance pour finalement enlever l'attribut de l'attribut l'attribut de l'essence. Donc sans altération, sans omission, sans déformation. Donc voilà ta prière. Sans déformation, c'est-à-dire ni comparaison ou elle est qui. Mais pas le texte qu'on a rasé. والتعطيل التعطيل بمعنى السخرية من غير تكييف Et on ne peut le comparer, c'est-à-dire les attributs d'Allah, on ne doit pas atterrir, on ne doit pas omettre ses attributs, et on ne doit pas le comparer à ses créatures. On ne doit pas le comparer à ses créatures. On ne doit pas dire sa main, il a deux mains comme les mains des créatures. On ne doit pas dire qu'il a des yeux comme les yeux des créatures. D'accord? Et donc celui qui omet les attributs d'Allah, finalement, c'est comme s'il adore le néant, hein. Celui qui dit qu'Allah, il n'a pas de main, il n'a pas de yeux, il n'est pas au-dessus du trône, il n'est pas au-dessus des cieux, il n'est pas en bas, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas à l'intérieur du monde, il n'est pas à l'extérieur du monde. Ce qu'il adore du néant. Et celui qui ressemble Allah à cette créature, il adore quoi? Une statue. Celui qui dit Allah, il a des yeux comme les yeux des créatures, il a un visage comme le visage des créatures, finalement, ce qu'il adore une statue, finalement. Donc, sous interaction. Ni omission, ni غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. C'est-à-dire de dire qu'il ressemble à quelqu'un. Il ressemble à, il a des yeux comme des yeux des créatures. Ou bien de dire qu'il est. L'imaginer quoi. L'imaginer dans le cerveau. Il s'agit donc de croire que rien ne peut ressembler à Allah, le Dieu, celui qui voit tout. On n'ira donc pas ce dont il s'est qualifié et on n'altérera pas les paroles de leur véritable sens. On ne mécroira pas en ses noms et en ses signes. On n'adaptera ni n'assimilera ses attributs à ceux de ses créatures, car il n'est, lui, pour théâtre, sans homonyme, sans équivalent et sans égal. D'accord ? On ne le comparera pas à ses créatures, car il est pour théâtre, celui qui sert tout de sa connaissance, tant de lui-même que des autres, sa parole est plus véridique et meilleure que celle de ses créatures, ses envoyés sont sincères et approuvés à l'opposé de ceux qui disent de lui ce dont ils n'ont aucune science. C'est pour cela qu'Allah a dit pureté à ton Seigneur, Seigneur de puissance, de ce qu'il décrit, et paix sur les envoyés et louange à Allah, Seigneur des mondes. Donc, exemple de falsification, c'est quand par exemple on dit qu'il a des yeux, on dit qu'il est des yeux, ça veut dire fermer quelque chose, ça veut dire quand par exemple dans certains versets du Coran où il y a l'attribut des yeux. Wasma'il qulta bi ayunina wa wahyina. Et c'est quand Allah dit à Nuh alayhi salam et construit l'arche avec notre sous nos yeux et sous notre révélation. Et donc les yeux, c'est des vrais yeux, c'est pas seulement parce qu'ils vont expliquer sous nos yeux, c'est-à-dire par sous notre attention. Là, ils ont falsifié, c'est-à-dire ils ont changé notre signification et pour dire finalement qu'Allah il a des yeux, ils disent que c'est sous notre attention, mais les ayats, hein? Donc ils falsifient, ils changent le. C'est finalement pour nier les attributs. Quand il explique la main par la puissance, c'est pour nier l'attribut de la main. Quand il dit sous les yeux, on ne doit pas nier qu'il a des yeux. Il le dit lui-même. Il le dit, donc on lui attribue ce qu'il s'est attribué lui-même. On ne doit pas changer le sens, on ne doit pas expliquer les yeux par l'intention ou par autre chose. D'accord ? C'est l'intention, c'est-à-dire c'est disons, par son réaïa, comme on appelle réaïa en français. Par sa garde, par sa protection. C'est vrai, ça fait partie de ça. Le fait qu'il a dit sous nos yeux, c'est vrai que c'est par notre protection, mais ça, on ne doit pas nier qu'il a dit parce que c'est attribué lui les deux yeux. Donc on doit. C'est Allah Ta'ala qui se connaît plus que quiconque, il est plus véridique dans ses paroles, il est plus éloquent dans ses paroles, et lui le plus. Il connaît. de ses créatures et il les transmet le message comme il... Sans retirer la tribu, enfin, sans retirer les dieux. Ouais. Mais on peut quand même comprendre l'intention aussi. Oui. Non, mais je vais pas dire on va pas retirer les dieux, c'est les dieux, c'est dit. Ouais. Mais l'intention aussi, c'est quand même implicitement, c'est... Oui, mais celui qui l'explique seulement par l'intention, c'est pour nier les dieux finalement. C'est-à-dire que juste expliquer l'intention, non, c'est pas bon, mais l'intention et les dieux gardés tel quel, c'est bon. Ouais. D'accord. On va en parler. C'est comme par exemple, je vais dire exemple de la falsification. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Istawa al-Arsh. Al-Rahman al-Arsh Istawa. Istawa, ça veut dire il s'est établi sur le trône, il s'est élevé sur le trône. Mais quand quelqu'un il va dire Istawa, ça veut dire Stawla. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rajouté Al-Arsh. Donc il a fait quoi? Il a falsifié le sens. D'accord? Parce que Stawla, ça n'a pas de sens. Finalement, ça n'a pas de... Il n'y a pas de preuve dans la langue des Arabes que Stawa, ça veut dire Stawla. D'accord? L'origine de Stawa, ça veut dire Stala et Ala ou Stakara. Donc, c'est la seule signification de Stawa. Le fait d'ajouter Allah, c'est pas suffisant. Pourquoi on ajoute Allah? Pour finalement nier qu'Allah, il est au-dessus du trône. Donc ça, c'est une sorte de falsification. Stawla, ça veut dire dominer. Stawla, ça veut dire dominer. De toute façon, il tire ça d'un poème, mais finalement, parce qu'il n'y a pas dans la langue arabe, Stawla, Stawa, par dominer. Il n'y a pas. Dans toute la langue arabe. Ils ont cherché, ils ont fouillé, puis ils ont trouvé un poème, et c'était un poème de l'Akhtam, d'un chrétien et tout, pour finalement dire que Stawa, ça veut dire Stawla. Donc ça, c'est une sorte de... Mais dans quel but, quoi? Pour nier qu'Allah il est au-dessus. Mais c'est une théorie, alors Allah a la khalqa. C'est une théorie, Allah a la maqablesse, leur raison, leur tête, leur cerveau, il n'a pas pu concevoir qu'Allah il est au-dessus du trône. Donc ils commencent à tordre le cou des textes pour finalement confirmer leur dogme. À cause de l'ambiguïté qu'ils avaient. Non, mais ça en plus, c'est-à-dire l'origine de ça finalement, c'est pas seulement ça, mais c'est parce qu'ils ont hérité d'une philosophie. Grec et tout, ils ont extrapolé sur leur dogme, mais là, à chaque fois que l'un des attributs d'Allah, il contredit, il est à l'encontre de leur dogme, il est à l'encontre de ce qu'ils ont hérité des Grecs, ils rejettent la tribu. C'est-à-dire, ils se sont mis une règle. Non, mais c'est une ambiguïté, ils se sont mis une règle. Une règle qu'ils ont héritée, c'est celle de l'advenu du monde et c'est celle de la substance qui advient à la substance. C'est-à-dire une règle qu'ils se sont mis au départ. Ils ont hérité des Grecs quand ils sont commencés à traduire la philosophie grecque. Et là, chaque attribut d'Allah qui n'est pas conforme à cette théorie, ils le rejettent. D'accord? Ben, l'origine, il est un peu ambigu. C'est dans une règle. من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Donc on ne doit pas comparer Allah à ses créatures, on ne doit pas omettre ses attributs, on ne doit pas nier ses attributs, donc les passer comme ils sont. C'est comme ça qu'on dit les sahaba, faites les passer comme ils sont. Tout en reconnaissant ses noms, tout en reconnaissant la signification de ses noms. C'est-à-dire Stawas, on connaît. Le Stawas, ça veut dire Sala. On connaît la signification. D'accord? Et donc, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. Et je vous ai parlé des 99 noms. C'est dans le Coran et dans la Sunna. 99 noms. Rahim, Rafour, Rahman, Malik, Quddus, Salam, 99. Mais est-ce qu'il y a d'autres noms? Il y a d'autres noms qu'Allah il a dans le monde de... qu'il a caché dans le monde de l'invisible. Quelle est la preuve? Il y a des preuves là-dessus. Allahumma inni abduka ibn abdika ibn amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmin ghaybi 'indak. Ça veut dire que tu as tous ces noms, y compris les noms que tu as mis dans le livre, les noms que tu as révélés au prophète, et les noms que tu as cachés dans l'invisible. C'est-à-dire, il y a des noms d'Allah qui sont dans l'invisible, Allah ne nous a pas informé de ces noms-là. Mais il nous a informé des 99 noms. Et chaque nom, c'est un attribut. Chaque nom, c'est un attribut. Quelle est la relation entre le nom et l'attribut? Le nom, il peut donner un attribut. Oui, tout nom est un attribut. D'accord? Tout nom est un attribut. Et un attribut ne peut pas être un nom. Il n'est pas forcément. Il n'est pas forcément un nom. Donc tout nom est un attribut. Donc Allah, il est Rahim, et son attribut, il est miséricordieux. Il est vraiment miséricordieux. Mais son nom, le nom qu'il a, Rahim. Et l'attribut, sa qualité, il est Rahim. D'accord. Donc les noms ne peuvent pas être traduisibles. Les noms ne peuvent pas être traduisibles. Miséricordieux, ce n'est pas un nom d'Allah. C'est Rahim qui est un nom d'Allah. Vous avez compris? Miséricordieux. C'est pas le nom d'Allah. Allah, il ne s'appelle pas miséricordieux. Oui, mais les noms ne sont pas traduisibles. Allah, c'est pas un nom, c'est un nom. Et si tu prends en français, ça n'a pas de sens. C'est plus un nom. On peut traduire l'attribut. Mais on peut pas traduire le nom. D'accord? Il s'appelle Rahim. Et son attribut, c'est miséricordieux. D'accord? Comme quelqu'un, il s'appelle Hassan. Hassan. Est-ce qu'on peut l'appeler le bon? Traduction de Hassan, bon. Le bon. Il s'appelle Hassan. On va traduire? Non. D'accord? Ça, c'est son nom, Hassan. Mais son attribut, il peut être, par exemple, il s'appelle Hassan, mais son attribut, il est mauvais de caractère. D'accord? Donc, son nom n'est pas son attribut. Son nom n'est pas parallèle à son attribut. Il s'appelle le bon, mais il est mauvais. Il s'appelle Hassan, mais il est mauvais de caractère, il est mauvais de comportement. Oui, c'est ça. C'est ça. Un attribut qui ne peut pas être un nom, c'est les mains, c'est les yeux. C'est le radar. Le vivant, c'est un nom et un attribut. Al-Hayy. Et il est vivant. D'accord? Donc les noms ne sont pas traduisibles. Si tu dis comment il s'appelle Allah, tu dis Rahim. C'est pas le clément ou le miséricordieux. Non. Son nom est Rahim. Mais il est miséricordieux, il est comme ça. Je sais pas moi la traduction comment elle est attribuée. Rahman, c'est quoi? Miséricordieux ou clément? Il y en a qui sont traduisibles. Parce que les noms ne sont pas traduisibles. Quelqu'un qui s'appelle Mohamed, on ne peut pas le traduire. Hassan, on ne peut pas le traduire par le bon. D'accord? Ou bien, c'est pas moi, je vais dire. Dans différentes lectures que j'ai vu, quelque chose comme ça, ouais. Il y en a qui traduisent le clément pour Rahman, le miséricordieux pour Rahim. Il y a d'autres qui disent le miséricordieux pour Rahman, et même pour Rahim, le tout miséricordieux. Ouais. Donc c'est pas facile de traduire finalement. C'est pas facile de traduire. Il s'appelle, c'est pas le clément. Il s'appelle Rahim. Hein? D'accord? Donc les noms, on peut pas les traduire. Et tout nom est un attribut. Mais tout attribut n'est pas forcément un nom. Ça, c'est une règle. Je voulais dire en arabe, si je suis bien compris, sur les attributs. On est bien, parce qu'il y a des explications sur les attributs. Bien sûr. bien sûr qu'on peut expliquer les attributs. Donc, on peut pas le ressembler à quelqu'un. D'accord ? Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il y a beaucoup d'adillah, laïsa kamithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Laïsa kamithlihi shay. Nul n'est égal à lui, nul ne ressemble à lui. Ça, c'est une négation. Wa huwa as-sami' al-basir, c'est une affirmation, c'est une confirmation. Donc, négation de tout ce qui l'entache, de toute ressemblance, et confirmation de ses noms et de ses attributs. Ça, c'est le dogme de Sunna ou Jama. Il nie pas tous les attributs, il ne confirme pas une partie ni les autres, non. Tout ce qu'Allah a confirmé, on le confirme. Tout ce qu'Allah a nié, on le nie. D'accord ? Il a dit, laïsa kamithlihi shay. Hein ? Laïsa kamithlihi shay. Nul ne ressemble à lui. Fala taj'alou lillahi andadan. Fala tadribou lillahi al-amthal. Ça, c'est beaucoup d'exemples qu'il ne faut pas. Il ne faut pas donner des exemples à Allah, il ne faut pas le ressembler à des créatures, il ne faut pas chercher à imaginer comment il est. D'accord ? Ça, c'est une négation. Une négation de tout ce qui lui ressemble. Mais on confirme en même temps qu'il est Samir. On confirme qu'il s'appelle Samir et on confirme qu'il est l'audion. On confirme qu'il est Basir, son nom, et on confirme qu'il est clairvoyant. D'accord ? Ouais, d'accord. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Lui, il est la qualité, la parole d'Allah, il a ses caractéristiques, la véridicité, d'accord, l'éloquence, d'accord, la science, lui qui se connaît mieux que quiconque, et aussi le hadith, c'est-à-dire dans la transmission, dans la transmission du texte. Si par exemple on dit qu'Allah, il n'a pas voulu que Allah, quand il a dit Bali Yada, Roma de Sotatan, hein, Bali Yada, ses mains sont. Comme Sofatan, sans large, élargi, ou je sais pas moi, comment c'est traduit dans le Coran. Ben, il y a d'un moment de Sofatan. C'est-à-dire, quand il a dit c'est là, on ne doit pas dire que c'est ses puissances. Parce que Allah, lui, il se connaît mieux que quiconque, et il est le plus éloquent, et si on dit qu'il est, on interprète l'ama par puissance, qu'est-ce qu'on a touché? On dit, c'est comme si on doute qu'Allah, il se connaît pas. Soit on touche à sa connaissance, c'est-à-dire nous on est les plus connaisseurs, on connaît mieux qu'Allah, on connaît mieux que lui, et donc ce qu'il est quoi. Lui il a dit qu'il a deux mains, et nous on sait mieux, c'est-à-dire, ou bien, l'une des qualités de la parole d'Allah, c'est la véridicité, il est véridique dans ce qu'il a dit, ou bien aussi dans la transmission des messages. Si on dit par exemple, si on dit que Allah, il a pas voulu dire par les mains, les vraies mains, des mains réelles. Qu'est-ce qu'on a touché? C'est comme si on a touché l'éloquence d'Allah. Alors, Allah, il n'a pas pu passer le message à ses créatures. Ils disent, nous, on est plus éloquents, on vous explique ce qu'Allah veut vous faire apprendre. Alors qu'on n'a aucune preuve que les Sahaba et tout, ils ont dit que les attributs, on doit les passer comme ils sont. Oui, confirmé, mais je vais reprendre le quatrième terme que tu as dit. L'éloquence, la véridicité, apparemment, tu as parlé Hasd. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, Allah, quand il a parlé, il a voulu dire telle chose. Et le but, l'objectif, il a voulu le. Eux, c'est comme s'ils nous font douter sur l'objectif. Ils disent, par exemple, Allah, il a dit Sitawa, mais ça ne veut pas dire Sitawa. Ça veut pas dire autre chose. Allah, par la langue arabe, Allah, ils disent Sawa al-Arsh, ils disent que c'est finalement pas Sawa, c'est autre chose qu'il veut dire Allah. Allah, il ne veut pas dire ça. Il veut dire autre chose. Et il veut dire un autre sens. D'accord ? C'est-à-dire ça, c'est-à-dire un sens qui est caché. Pas le sens original, le sens arabe. Allah, il nous parle avec la langue arabe. C'est-à-dire la langue arabe pure, que les gens ils connaissent. Eux, ils cherchent les ambiguïtés. Ils cherchent la langue arabe. Dans toute la langue arabe, ils ne trouvent pas et pourtant ils disent non, Stawa, ça veut dire Stawa. Dans la langue arabe, chez tous les Arabes, Stawa, ça veut dire Stakarra, Wasta'la, Wa'ala. Donc ça, Allah nous a parlé avec le Mazab, le prophète nous a parlé avec le Mazab. Pourquoi chercher ailleurs pour finalement trouver un mot qui est dans un texte qui est, dont l'auteur il n'est même pas connu. Et ils disent aussi que l'auteur il n'est même pas musulman. Hein? Parce qu'il se base sur deux vers d'un poème. Je ne me rappelle pas du début du poème, c'est-à-dire Bishr, il a conquis, il a dominé l'Irak, et puis là, ils ont expliqué Istawa par dominer. D'accord. On va en parler, Inch'Allah. Dominer le Coran, donc ça, ils vont. C'est-à-dire ils ne changent pas le mot, ils ne déforment pas le mot lui-même et ils n'ajoutent pas c'est-à-dire Allah il a des attributs, on n'ajoute pas d'autres attributs, on n'ajoute pas d'autres noms à lui. On ne dit pas qu'il est Alim ou il est Shah et Mourid, comme disent certains sectes. C'est-à-dire ajouter d'autres noms. Ça s'appelle Ilhad. Hein? وَإِلَّا يَسْمَعُ الْفُسْلَ فَدْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Mais il a prévu une question. Mais les attributs, c'est quand même quelque part, ils ont. Il ne faut pas faire relation. C'est miséricordieux, pour nous, il faut quand même qu'on les lisait, miséricordieux. Par rapport à le Christ humain, miséricordieux, ce que ça veut dire. Ouais. Là, quelque part, on les donne un petit peu de notre attribut à nous, c'est ce que je veux dire. Ouais. Quelque part, on fait la relation. Mais il y a de la miséricorde entre nous, c'est-à-dire. On dit Allah, il est miséricorde, il est rahim. Et la personne, l'être humain, il est rahim. Mais la miséricorde de la personne, il ne ressemble pas à la miséricorde d'Allah. Ouais. Allah, il est bâtard. Et la personne, elle est bâtard. Allah, il est sagaire. La personne, elle est sagaire. Les académiques, les sagaires, les bâtards, ils disent dans un autre verset, إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إلى دي سورة إما كلي سميع كلي بصير يا الله إلي سميع إلي بصير Tu vois, parce que ça va finir en grand, c'est limité. Oui, oui. Mais de toute façon, sa miséricorde ne ressemble pas à la miséricorde des êtres humains. Voilà. Mais notre miséricorde à nous, c'est les effets de sa miséricorde à lui. C'est les effets de sa miséricorde. C'est-à-dire, la miséricorde d'Allah, c'est un attribut de lui, et l'effet de cet attribut sur nous, ça fait qu'il y a une miséricorde entre nous. On n'imagine pas. Allah ne ressemble pas à ses créatures. Il est miséricordieux et la personne il peut être. Allah est Rahim et la personne peut être Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman yarhamuhum man fil ardh. Yarhamukum man fis samaa'i kulluman miséricordieux envers les gens de la terre. Allah sera miséricordieux envers vous. Donc, la miséricorde d'Allah ne ressemble pas à la miséricorde de ses créatures. Dans les chefs, dans la proportion. Mais, je sais pas, on ne peut avoir même pas un milligramme, tu vois, je veux dire... Notre miséricorde, c'est attribué, il est là, on connaît l'authentification de sa miséricorde, mais il ne ressemble pas. Il ne faut pas changer le mot de leur place, il ne faut pas déformer le texte, il ne faut pas le comparer à ces créatures. Pourquoi? Parce qu'on a une règle, l'aïta kamis l'yissé. Nul ne ressemble à lui. Et en même temps, il confirme, et il est l'audion, le clairvoyant. D'accord? Il est l'audion. Mais est-ce qu'il est. Allah, il nous entend. Mais nous, on entend. Nous on entend, Allah il entend. Nous on entend des sons, des vibrations. C'est l'air qui bouge et puis des vibrations, des fréquences bien précises, des longueurs d'onde bien précises. Allah il n'oublie pas à ça. Oui, nous c'est notre oreille et tout. Est-ce qu'on va dire qu'Allah il a des oreilles? Non, il ne nous a pas parlé de ça. D'accord? Allah il s'est élevé sur le trône. Il s'est élevé sur le trône. Comment? On ne sait pas. Allah ne nous a pas informé comment. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est même Malik, Rahimahullah, quand une personne est venue. On va rentrer dans l'explication, on peut simplement dire ça, mais sans plus quoi. Voilà. On connaît la signification. On connaît ce que ça veut dire Stawa dans la langue arabe. On connaît que Stawa, ça veut dire Ala wa Sta'ala wa Staqara. On connaît la signification. On connaît la signification du mot, mais le comment on ne le connaît pas. On le comment on ne le connaît pas. Comment? On ne le connaît pas. Il ne nous a pas informé comment il descend. D'accord? D'accord. Il ne nous a pas informé. D'accord. Et là demain, comment ils font ces deux mains? Il ne nous a pas informé. Déjà, il faut venir comment. D'accord. Oui, le comment il faut le valoir parce que c'est innovateur. Et pour vous rapprocher ça de votre cerveau, l'éléphant, il a deux pattes antérieures, et puis le singe aussi, mais il ne ressemble pas. Aux êtres humains, ils ne ressemblent pas. Les animaux aussi, ils ont des pattes, mais ils ne se ressemblent pas. L'homme, où il a deux mains, mais il ne ressemble pas aux mains des créatures. D'accord. Et on ne doit pas imaginer et on ne doit pas dire comment. D'accord. Parce que le comment, c'est une innovation, parce que le comment, Allah nous a pas apporté. Quand la personne est rentrée voir Imam Malik, rahimahullah, il lui a dit Al-Istiwa. Istiwa. Hein? Al-Istiwa, Kay. Et là, Imam Malik, il a été en colère, il a baissé la tête et puis il était plein de sueur. Il a dit Al-Istiwa, Ghayru Majhoul. الاستواء معلوم في رواية الاستواء غير مجهول ها الاستواء معلوم في رواية الاستواء غير مجهول ها d'accord ça veut dire que l'istiwa elle est connue sa signification est connue ها الاستواء معلوم والكيف مجهول والكيف غير معقول ها والسؤال عنه بدعة ها والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Puis il a demandé de faire sortir la personne. Il a dit l'istiwa elle est connue, sa signification est connue. Et le comment, on l'ignore le comment, et la croyance en l'istiwa wajib, obligatoire, c'est un devoir de croire en l'istiwa, et la question à propos de l'istiwa, comment Allah istawa al-arsh, bid'a, c'est une innovation. Parce qu'Allah ne nous a pas informé, le prophète n'a pas parlé de ça, les compagnons n'ont pas parlé de comment Allah il est élevé sur le trône. Il est élevé, on confirme. Parce que istawa, ça ne veut dire que élevé, ça ne veut dire que c'est installé, ça veut dire que c'est établi. C'est ça les significations. Et donc il y a d'autres qui se battent sur ça. Ils disent par exemple, al-istiwa au ma'loum. Ils disent ma'loum al-zikru au Coran. Mais on n'a pas besoin. Ma'loum al-zikru, mais on sait qu'il est évoqué dans le Coran. Mais nous, à Al-Sunna, on croit qu'il est évoqué et que la signification est connue. Mais le comment, on ne peut pas savoir. Allah ne nous a pas informé comment. Allah, il descend du ciel le plus haut au ciel le plus bas. Comment? On ne le sait pas. On ne sait pas comment et on n'a pas le droit de demander comment. Parce que le cerveau ne peut pas concevoir ces choses-là. C'est le cheval qui met dans le cerveau de la personne d'imaginer des choses et de chercher le comment. Parce qu'on va mettre. Hein? Il dit par exemple que c'est son ordre, c'est sa miséricorde qui n'est pas. Mais c'est là le point où la personne doit se soumettre, c'est là où la personne doit croire. Hein? La terre elle est ronde, elle tourne par exemple autour du soleil, et puis le tiers de la nuit il bouge, hein? Il bouge le tiers de la nuit. Allah il a dit il descend le dernier tiers, d'accord, et le tiers de la nuit il bouge, comment ça se fait alors qu'Allah il descend continuellement, si tu imagines avec ta tête. La nuit, elle est toujours là. La nuit, elle est toujours là. La nuit, elle est toujours là. La terre est tourne, la nuit est toujours là. Le dernier terre, c'est maintenant, il est quelle heure? Maintenant, par exemple, il est quelle heure? Il est 19h ou il est 20h. Donc, 20h13, ben 20h, à notre endroit, il sera 20h. Et 20h, ce sera dans toute la terre. 20h. Parce que la terre est tourne, et puis l'heure, il est pareil dans différents points. Hein? Sinon, 20h est passée, bah, 20h elle va atteindre un autre endroit. Et donc le dernier tiers, il est pareil. C'est-à-dire le dernier tiers, il est continu dans toute la terre. Mais on ne doit pas imaginer. Allah nous a informé qu'il descend. Pas question de chercher autre chose. exerçant soumission totale devant le texte. Pas que le petit cerveau il va se briser en deux, comme en exerçant la tête errante, on va essayer de mettre ça en équation. Non, on doit se soumettre au texte parce que Allah qui est créé, Allah il a créé le dernier ciel, il a créé la terre, il a créé les cieux, il nous informe. Celui qui a créé, celui qui a dit, il nous a dit qu'il descend. Comment ? Il nous a pas informé. Il nous a dit qu'il descend. Sami'na. Wa ata'na. Il nous a dit comment ? Non, il nous a pas dit. Donc on ne cherche pas à savoir. On ne cherche pas à creuser là-dedans. On ne cherche pas à chercher l'essence d'Allah. Ce qu'il y a de bien Allah, où on doit imaginer, est-ce que c'est une substance, est-ce qu'il est matériel, est-ce qu'il est immatériel, est-ce qu'il est sans endroit, est-ce qu'il est avec endroit. Allah nous a informé. Allah nous a informé. Est-ce qu'il est rahim ? Il est rahim. Il nous a informé qu'il est rahim. Sami'na wa ata'na. Hein ? Il est rahman. Il est rahman. Où est-ce qu'on va trouver rahman ? Dans le Coran. Sami'na wa ata'na. Il est rapport. Sami'na wa ata'na. Il est khadim. Son nom est khadim. Hein ? Où est dans le Coran ? Ça existe khadim. Dans la sunna, ça existe khadim. Hein ? Ça existe. C'est pas son nom. Hein ? C'est pas son nom. C'est pas un nom à lui. D'accord ? C'est pas à moi de sortir un nom et puis le coller à Allah, l'attribuer à Allah. D'accord ? Allah il nous a informé de ce nom, de ses attributs. Il a dit voilà comment je suis, voilà comment je suis. Déjà l'être humain, quand il écrit un livre sur sa description, il est comme ça, il est beau, il a les cheveux comme ça, il marche comme ça, je marche comme ça, je joue comme ça, c'est ça mes déplacements et tout. Et il les informe dans un livre, il ne veut pas que quelqu'un touche à ces qualités-là. Il ne veut pas que quelqu'un dise non, toi tu bouges pas, toi tu n'as pas les cheveux noirs. Il a dit moi j'ai les cheveux noirs, il dit non, toi tu n'as pas les cheveux noirs, c'est pas comme ça. Allah, il a dit, Allah, il nous a informé, donc on ne doit pas faire ce texte-là. On ne peut pas toucher à ses noms et lui passer ses attributs. Qu'on connaît le sunna, bel yada ou mabsoutatan, ma mena'aka alla tasjud lima khalaqtu bi yadayhi. وقالت لي نعم وقالت تبارك الذي بيده الملك يد الله مع الجماعة يبكو دونك لو تيكس اللي لا اون توش با او تيكس دكور اون توش با لو تيكس التيكس اللي لا اون دو با شيرشي اون سينيفيكاسيون كي سو روتور كونتر لو تيكس بور لي باسي استوى ça veut dire estaouler, ça veut dire dominer pour que ça se renverse contre le texte pour l'abolir. Qu'est-ce qu'il veut expliquer là? Il veut dire ah c'est dominé. Pourquoi? Pour effacer estawa. Parce qu'il ne veut pas. Parce que son dogme ne se base pas sur ça. Parce que lui, il a hérité une théorie des philosophes et il ne peut pas sortir de cette théorie. On va parler de cette théorie après. D'accord? Quoi, je m'arrête là. Subhanakallahumma bihamdik, shallu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.